Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons ouvrir donc l'émission avec un sujet qui a beaucoup alimenté les médias en 2014-2015, c'est-à-dire l'épidémie Ebola. Même si cette maladie sévit principalement en Afrique, elle est devenue un problème de santé mondiale puisque les risques qu'elle se propage à d'autres continents sont bien présents, et notamment par transmission des personnes revenant d'Afrique et porteurs de la maladie. Alors aujourd'hui, avec Marie-Claude Lafitte, on se penche sur cette maladie, comment elle se transmet et comment, surtout, on peut en venir à bout. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors tout d'abord, Marie-Claude, en fait, quelle est la cause de la maladie appelée Ebola? Alors en fait, cette maladie est causée par un virus que l'on appelle donc le virus Ebola et qui a été isolé pour la première fois en 1976. Alors ce virus, il appartient à la famille des filovirus, comme son nom l'indique, qui sont des virus d'apparence filamenteuse. Il mesure environ 1 micromètre, c'est-à-dire qu'il est 100 fois plus petit qu'un cheveu. Alors, ce virus, il ne possède que 7 gènes dans son ADN. Mm-hmm. Alors qu'à titre de comparaison, l'ADN humain, lui, est composé de 22 000 gènes. Mm-hmm. Donc, c'est un virus tout petit en termes de nombre de gènes, mais il va profiter des cellules humaines, qui sont, elles, beaucoup plus complexes, pour se multiplier et survivre. Et alors, comment il réussit, ce virus, d'abord à rentrer dans les cellules humaines et puis ensuite à s'y multiplier? Alors en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un virus ne peut se multiplier par lui-même. Il doit entrer dans une cellule humaine et profiter de son mécanisme pour sa propre réplication. Donc ce qui va permettre au virus Ebola de rentrer dans les cellules humaines, c'est une molécule présente à la surface du virus et qui s'appelle glycoprotéine. Mm-hmm. Donc cette protéine, elle est très importante car elle va en quelque sorte jouer le rôle de clé pour ouvrir la porte des cellules humaines, pour ouvrir la serrure et rentrer dans les cellules humaines. Alors une fois dans les cellules, le virus détourne le mécanisme de multiplication des cellules humaines pour sa propre multiplication. Mmh, d'accord. Donc, une fois rentré dans les cellules humaines, le virus, il se multiplie en grand nombre. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas éliminé par notre système immunitaire? En effet, normalement, lorsqu'une cellule humaine est infectée par un virus, elle envoie des signaux, des messages au système immunitaire pour le prévenir qu'il se déroule une infection et ainsi faire en sorte que les cellules immunitaires, qu'on appelle communément donc les globules blancs, arrivent en grand nombre là où se trouve le virus pour le combattre et l'éliminer. Donc ce signal d'alarme, c'est en fait des petites molécules appelées interférons et qui vont attirer les globules blancs en cas d'infection, qui vont les attirer au site d'infection. Eh bien, le virus Ebola, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche la production de ces interférons et donc il bloque le signal d'alarme pour faire croire au système immunitaire qu'il n'a pas besoin de combattre le virus et qu'il n'y a aucun virus dans la cellule. Le petit malin. Exactement. Et donc, il semblerait que ce soit encore cette fameuse glycoprotéine qui servait de clé pour ouvrir la porte des cellules humaines qui soit responsable du blocage du signal d'alarme et qui empêcherait donc la production des interférons. Mmh. Et une fois que le virus a désactivé le système immunitaire, qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, le virus Ebola, il va se déplacer dans le corps humain. Et c'est d'ailleurs l'un des grands problèmes avec ce virus-là, c'est qu'il est capable d'infecter plusieurs organes. Donc, pour pouvoir se déplacer jusqu'à tous ces organes, le virus, il va utiliser encore une fois la mécanique des globules blancs. Donc, encore une fois, il va faire son petit malin et il va utiliser les globules blancs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours quelques globules blancs en patrouille dans le corps humain qui se baladent, en gros, pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'infection. Eh bien, le virus Ebola va profiter de ces globules blancs, patrouilleurs, en rentrant à l'intérieur et en s'en servant comme un véhicule, comme une voiture, pour aller infecter d'autres endroits du corps humain. Il va donc à travers ces globules blancs passer par les vaisseaux sanguins. Donc, le virus va se propager dans différents organes, notamment les reins, le foie. Et en passant par ces vaisseaux sanguins, eh ben, il va modifier le bon fonctionnement de ceux-ci en provoquant une mauvaise coagulation du sang dans les vaisseaux. Mm-hmm. Donc, partout où il passe, il provoque un défaut de coagulation. Mm-hmm. Et est-ce que c'est cette mauvaise coagulation donc, qui provoque les symptômes de la maladie? Parce qu'on parle aussi, quand on parle de la maladie Ebola, on dit aussi qu'il s'agit de la fièvre hémorragique. Oui, tout à fait. Alors, en fait, cette mauvaise coagulation, elle va obstruer les vaisseaux sanguins qui vont finir par exploser en quelque sorte et donc provoquer des hémorragies internes à différents endroits. En plus de ça, quand le virus se déplace et se multiplie dans le foie ou dans les reins, par exemple, eh bien, il provoque une inflammation excessive due à la multiplication et à l'infection. de ces organes qui sont attaqués par le virus. Et c'est cette inflammation qui va provoquer la fièvre, les rougeurs cutanées, les dérèglements gastro-intestinaux et qui finalement, avec la mauvaise coagulation du sang, provoque un choc septique, donc qui correspond à une dérégulation complète de la circulation sanguine. Et quelles sont les conséquences de cette maladie sur l'homme ? Alors, il faut savoir que le taux de mortalité des personnes infectées par le virus Ebola est en moyenne de 50%. Et lors de grosses épidémies, comme celles qu'on a connues en 2014-2015, on peut aller jusqu'à 90% de mortalité. Donc, il faut savoir que l'épidémie de l'année passée est la plus importante depuis la découverte du virus en 1976 et elle a fait plus de morts que toutes les autres épidémies d'Ebola qui s'étaient déclarées par le passé. Donc, les premiers symptômes, ils n'apparaissent pas tout de suite puisque le virus, il a une période d'incubation comprise entre 2 et 21 jours pendant laquelle la personne qui est infectée n'est pas contagieuse. C'est à la suite de cette période d'incubation entre 2 et 21 jours que la personne ressent une montée de fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des diarrhées sanglantes, des vomissements, une insuffisance rénale, donc un tableau clinique vraiment assez lourd. Mais est-ce qu'on sait finalement comment le virus se transmet à l'homme ? Est-ce qu'on l'a compris ? Alors, pas tout à fait, ou du moins pas complètement. En fait, ce que les chercheurs pensent, c'est que le virus se transmet soit par contact homme-animal, soit par contact entre les hommes. Donc en fait, il se pourrait que les chauves-souris et les singes, surtout, soient ce qu'on appelle des réservoirs du virus Ebola, c'est-à-dire des porteurs sains du virus, qui ont le virus dans leur corps, mais qui, eux, ne développent pas la maladie. Et le virus serait transmis à l'homme par consommation de la viande de chauves-souris ou de singes dans des régions où l'on mange ce type de viande. Mais cette transmission homme-animal, elle reste encore floue pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Par contre, la transmission entre les hommes, elle, elle est plus claire et se fait par contact direct avec des liquides organiques, tels que le sang, la diarrhée, le vomi, l'urine, etc. Donc c'est notamment à cause de ce type de transmission que le personnel soignant est souvent infecté en cas d'épidémie, car ce sont eux, les médecins, les infirmiers, qui sont le plus en contact avec ces liquides, comme le vomi, des patients dont ils prennent soin. Ouais, en première ligne. Et est-ce qu'on a quand même des traitements pour utiliser cette maladie ? Puis qu'est-ce qu'ils valent, ces traitements ? Alors en fait, depuis longtemps, les principaux traitements consistent à traiter les symptômes de la maladie. Donc à cause des diarrhées aiguës, par exemple, on fait de la réhydratation, puisqu'on sait que les diarrhées déshydratent. À cause de la coagulation intense du sang, eh bien on donne des anticoagulants, etc. Donc on traite vraiment les symptômes, mais il n'existe pas de traitement spécifique pour détruire le virus. Cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, une firme américaine a développé un sérum qui avait permis la guérison de 2 patients américains qui avaient été infectés par Ebola l'année passée. Et en fait, ce sérum, il provenait du sang de patients qui avaient été précédemment infectés par le virus, mais qui avaient survécu. Et alors, ce sérum, il contenait donc les anticorps nécessaires pour combattre le virus. Et l'injection de ce sérum à d'autres malades a permis la guérison. Donc, il y a également d'autres traitements qui sont en cours d'évaluation, mais aucun n'est prêt pour la production et la commercialisation. Pour l'instant, le meilleur traitement réside dans l'injection de ce sérum de personnes infectées et guéries. Mais est-ce qu'on pourrait pas développer un vaccin contre le virus Ebola ? Oui, tout à fait. Comme le virus Ebola est un virus, donc on pourrait essayer de développer un vaccin pour s'en protéger. En fait, il y a plusieurs équipes de recherche qui travaillent sur la mise au point de vaccins. Et pour l'instant, il y a 2 vaccins potentiels en cours d'évaluation. Et une des stratégies vaccinales, elle consiste à entraîner le système immunitaire à reconnaître l'enveloppe du virus et en particulier la fameuse glycoprotéine dont j'ai parlé, qui servait d'entrée dans les cellules humaines et qui bloquait le signal d'alarme pour ne pas attirer les globules blancs. Donc cette fameuse glycoprotéine, en fait, elle est utilisée comme stratégie vaccinale. Et si le vaccin est efficace, le système immunitaire, il reconnaîtrait beaucoup plus rapidement et spécifiquement cette glycoprotéine à la surface du virus et pourrait ainsi l'éliminer. Ben, on espère aussi que de cette façon, on pourra mieux circonscrire la prochaine épidémie aussi. Voilà, espérons-le. Ouais. Ben, merci beaucoup Marie-Claude. Merci. Alors on passe en pause musicale sur CKRL au 89.1, mais restez avec nous. Au retour, on parle d'aquaculture durable.